Chapitre 5e. Que monsieur ne se tourmente pas, modula mielleusement le garçon. Nous avons des chambres libres. Monsieur pourra soigner son ami. Je le logerai à côté. Cette promesse fit réfléchir Raoul. Puisque M. Gibson n'avait pas entendu un mot de son histoire, le plus simple était de la lui recommencer, fût-ce à travers un cornet acoustique. Or, habiter auprès de lui, n'était-ce pas le meilleur moyen de surveiller une occasion favorable de la saisir au vol? Il accepta donc l'offre intéressée de François, l'aida à transporter l'ivrogne. Puis, une fois M. Gibson couché et ronflant la bouche ouverte, Raoul fut mis en possession d'une chambre sur le même palier. De deux choses l'une, se dit-il en se déshabillant, ou cet Américain est un homme d'esprit, ou c'est un sot. S'il a de l'esprit, il appréciera l'intensité de ma passion, et il excusera l'excentricité de ma conduite. S'il n'en a pas, il se fâchera, me provoquera, nous nous battrons. Je me laisserai blesser, l'on s'embrassera, l'on déjeunera, et de manière ou d'autre, je serai présenté à Madame de Logel. Guérac s'endormit sur cette agréable perspective, et son imagination chevaucha par monts et par vaux à travers le pays des songes d'or. Jamais roman d'amour, guilloché de péripéties, bourré de catastrophes, émaillé de combats chevaleresques, ne valut celui qui fut improvisé sous les sales rideaux de ce lit d'auberge. Vers 9 heures du matin, le plus heureux dénouement se fit pressentir. Aurélie, les paupières baissées, les joues couvertes d'un tendre incarnat, prononçait par devant le maire de son arrondissement le oui délicieux qui assurait l'éternel bonheur de Guérac. Il ne put supporter tant de joie. Un tel frisson de volupté lui parcourut les veines qu'il poussa un cri et se réveilla. La réalité le surprit tristement. Au lieu de la figure enchanteresse de Madame de Logel, il aperçut le visage blafard et grêlé d'un monsieur chauve qui se tenait debout en face de lui. Au premier abord, Raoul crut continuer son rêve. Cravaté de blanc, vêtu de noir, chaussé d'escarpins et ganté de frais, l'inconnu, à la rigueur, eût représenté l'officier de l'état civil, n'eût été que l'écharpe lui manquait. Il salua fort bas, prit une chaise et s'assit au chevet de Guérac. « Ah, monsieur » s'écria-t-il d'un accent humble et pénétré. Comme je regrette de n'avoir pas été prévenu dès hier soir de votre arrivée en ces lieux. Vous êtes bien bon, dit Guérac, mais... Je fusse immédiatement accouru me mettre à vos ordres. Vous êtes mille fois trop bon, mais à qui ai-je l'honneur? Champitrel, fit l'homme noir avec un sourire flatteur. Arthur Champitrel. Guérac se frotta les yeux et lui adressa un regard qui équivalait à un point d'interrogation. Champitrel, répéta l'inconnu, le chef de cet établissement. Ah! Dit Raoul, qu'il se souvint de l'endroit où il se trouvait. « Vous êtes le propriétaire de l'hôtel du Mississippi, en personne. »« Enchanté, monsieur Champitrel, débauchez votre aimable connaissance. Toutefois, une question, de grâce. 150, monsieur. » »« Est-ce donc l'usage ici que le maître de la maison reçoive en personne les hôtes que le hasard lui envoie ?»« Oh, nullement, monsieur. Si je dois, comme industriel, une politesse méticuleuse à mes locataires, comme homme, je me dois à moi-même de ne pas l'étendre jusqu'à la servilité. En ce cas, votre visite est une exception que je suis fier de perpétrer en votre faveur. » Raoul, à son tour, s'inclina. « Monsieur Champitrel, dit-il, votre courtoisie me comble et m'étonne. Un mot fera cesser votre étonnement, repartit Monsieur Champitrel. Veuillez donc me le communiquer. Je sais qui vous êtes. Ah bah ! S'exclama Raoul en se soulevant sur un coude. « Oui, vraiment, » continua malicieusement l'hôtelier. « Et la preuve, c'est que je n'abuserai pas davantage de vos précieux instants. Passons de suite à l'individu qui vous préoccupe. Quel individu ? Eh, mais le sieur Gédédia Gibson ?» Raoul bondit entre ses draps. « Quoi ? » murmura-t-il. « Vous savez que M. Gibson me préoccupe ?» Arthur Champitrel fit coup sur coup une vingtaine de signes affirmatifs. « Monsieur, » reprit-il d'un ton confidentiel, « cet homme est-il, lui ou non, un ennemi de l'État? Est-ce un malfaiteur en rupture de ban, un assassin ou un banqueroutier? Ou bien est-il simplement l'objet de mesures préventives? C'est ce que je ne commettrai pas l'indiscrétion de vous demander. Et en cela, dit Raoul stupéfait, vous agirez d'autant mieux qu'il me serait impossible de vous répondre. Sans doute, sans doute. La nature de vos fonctions vous commande une réserve absolue. Mes fonctions, dit Guérac, qui se dressa sur son séant. « Toujours est-il, poursuivit l'hôtelier, que comme propriétaire je n'ai rien à reprocher à M. Gibson. Il me paye exactement. Son passeport est en règle. Enfin, ces paroles sont rares et ne s'attaquent point au gouvernement. Comme observateur, voici le résumé de mes remarques. Mais, monsieur, dit Raoul, ces détails sont de peu d'importance, peut-être, acheva M. Champitrel. Néanmoins, je ne les crois point oiseux. Monsieur, il y a environ 2 ans que le sieur Gibson descendit chez moi pour la première fois. Depuis cette époque, je le reçois régulièrement à chaque semestre. Son séjour dans la capitale varie entre 15 jours et 3 semaines. Bien qu'il soit américain de naissance, il habite. Qu'est-ce que tout cela me fait ? Interrompit Guérac, impatienté. Excusez-moi, dit M. Champitrel avec un sourire mystérieux. Je ne puis vous communiquer que le peu que j'ai recueilli. Je reprends. Bien qu'il soit américain, sa résidence habituelle est à Londres. Quelle est sa profession, je l'ignore. J'ai longtemps supposé que c'était un particulier établi, cossu, marié, et qu'il venait à Paris pour y faire ses fredaines. Effectivement, sa conduite ici est déplorable. Il jette l'argent par les fenêtres, boit à tout rompre, et fréquente beaucoup trop de petites dames. Si j'en rougis comme père de famille, comme fournisseur, j'y trouve mon compte. Cependant, ah ça, monsieur dit Raoul exaspéré, vous moquez-vous de moi par hasard ? Moi, juste ciel ! Oui, vous, dans quel but m'apportez-vous ces renseignements ? Uniquement afin de vous être agréable, en vérité, et de vous prouver mon respect pour l'administration. Quelle administration ? Celle dont vous faites partie. Je fais partie d'une administration, moi, cria Guérac en bourrant son oreiller de coups de poing. Arthur Champitrel se leva d'un air confus. Je crains bien, dit-il, d'avoir déployé un zèle intempestif. Peut-être désiriez-vous garder l'incognito ? Par malheur, et ceci vous expliquera ma démarche auprès de vous, cet incognito a été trahi. Mais, de par tous les diables, comment et par qui ? Par le sieur Gibson lui-même. Allons donc, il ne me connaît pas plus que je ne le connais. Ah, vous en convenez ? Fit l'hôtelier d'une voix railleuse, sans doute. Et pourtant, vous vous êtes donné hier pour son ami. Guérac rougit légèrement. De plus, vous l'avez suivi de 6 heures du soir à 3 heures du matin. Eh bien, après, à différentes reprises, vous lui avez adressé la parole, malgré sa répugnance à vous répondre. Ce sont mes affaires. Enfin, vous avez profité de son état d'ivresse pour découvrir son domicile. Que vous importe ? Oh, à moi, personnellement, il ne m'importe guère. Mais tout à l'heure, le sieur Gibson s'est plaint à François, l'un de mes garçons, d'avoir été, pendant la soirée d'hier, en butte. Pardonnez-moi cette expression, c'est celle dont il s'est servi, en butte, dis-je, aux obsessions de la police. Ah, ventre bleu ! S'écria Guérac en s'élançant hors de son lit. En sorte que vous avez pensé, vous aussi ? Je n'ai rien pensé, monsieur, dit l'hôte qui s'inclina. Seulement me voici à votre disposition. Raoul entra dans une colère violente qui se changea bientôt en immense éclat de rire. Mon cher monsieur, dit-il enfin, vous, François et M. Gibson, vous êtes tous les trois dans l'erreur. M. Champitrel fit une grimace d'incrédulité. Soit, soit, murmura-t-il en épongeant sa figure huileuse. Je me retire. Monsieur n'a rien à me commander, si fait. Ayez l'obligeance de me faire monter sur le champ de l'encre et du papier. Je vais écrire à M. Gibson pour le désabuser. Monsieur n'aura que le palier à franchir pour lui parler à lui-même. Oui, mais cet étranger n'est-il pas sourd, comme une lanterne ? Eh bien, une explication verbale soulèverait de nouveaux malentendus. L'hôtelier salua et sortit en reculant.